cantine na son di bonga, tantie mama. E cosa la son di pe passie, tantie mama. Na sala kama lo lendo, e vale lo so ki li kwe, tantina, oh tantina, tantina mama leke. Mama leke, no bana tonton ilunga. Suli suli, camarade nanga moto. Seleca. Ringo Starr, Ale Kasparian. Ça c'est le Kassaya Mongo. Écoutez ça. Oga, oga, oga. Oh, c'est le Kassaya. Le Kassaya Mongo. Sous-sous. Ocha Kitembe. Bate ya pate mule mae, linda ba pota.